en saluant chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous saluons le frère et les sœurs qui sont en ligne. Prenons 1 Corinthiens chapitre 13. Chapitre 13. Sura yake ya 13. Versets 1 et 2. Mstari yake ya kwanza na ya pili. Nous prendrons aussi le verset 8. Tutabeba tena pia mstari yake ya 8 jusqu'au verset 11. Ufika mstari ya 11. Nous te disons merci. Tuko nasema asante. Notre Dieu et notre Père, pour cette occasion que tu nous as donnée de venir encore à cet endroit pour recevoir une portion de ta parole. La compréhension et la révélation viennent du Saint-Esprit. C'est toi qui as promis que quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Viens Seigneur, toi l'unique conducteur, et fais-nous avancer dans la profondeur de ta grâce. Tu connais tous nos problèmes, nos problèmes spirituels, nos problèmes physiques, nos problèmes financiers. Seigneur, c'est toi qui calmes la tempête parce que tu nous aimes. Guéris les malades au milieu de nous et console les affligés. Bénis la parole qui sera lue. Accorde-nous la grâce de parler d'une manière édifiante afin que ton Église soit amenée à la perfection. Merci Seigneur. Nous te demandons avec foi que tu nous répondras au-delà de notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un raisin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute connaissance et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes pour déplacer, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dans le verset 8, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Dans la parole de Dieu, et dans le royaume de notre Dieu, il n'existe pas un plus grand don en dehors de l'amour. Tous les dons que Dieu a donnés à son église, et tous les mystères, les ministères, les neuf dons, les cinq ministères, on peut encore y ajouter des dons naturels que Dieu a donnés aux gens. Toutes ces choses-là œuvrent pour un temps. Toutes ces choses-là disparaîtront un jour lorsque Jésus-Christ, la plénitude de la perfection, la plénitude de l'amour de Dieu, viendra pour chercher son épouse. C'est vrai, frère. C'est vrai, sœur. Un ministère qui œuvre sans amour ne peut édifier l'église. Même si c'est un véritable ministère. Tout don qui n'œuvre pas dans l'amour ne peut aider l'église. Même si c'est un vrai don. Toute connaissance que nous pouvons avoir, toute révélation que nous pouvons recevoir, si elle n'est pas donnée dans l'amour, elle ne peut édifier l'église. Au contraire, cela peut entraîner des divisions. Cela peut entraîner des conflits. C'est pourquoi toute révélation et toute connaissance doit se transmettre avec beaucoup d'affection. pour que cela édifie l'Église. Il y a un temps pour toutes choses, comme le dit la Bible. Il y a un temps d'enfance. Et il y a un temps adulte. Il y a un temps où on manque de discernement. Et il y a un temps où on exerce un bon discernement sur toutes choses. C'est pourquoi, vous voyez ici, l'apôtre nous enseigne et dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Cette période-là, quand on devient adulte, doit disparaître en nous. La parole de Dieu nous amène à une position adulte en toutes choses. Regardez comment l'apôtre Paul parle avec beaucoup d'affection. Il dit aujourd'hui, nous connaissons tous en partie, il n'y a aucun homme qui a le monopole de toute la vérité. Et jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous aura toujours une connaissance partielle. C'est Christ qui amènera la perfection. C'est pourquoi vous voyez, dans Philippiens au chapitre 3, lisons cette écriture. Philippiens au chapitre 3, dans son verset 13, dans son verset Philippiens chapitre 3, commençons au verset 13, mais j'ai plus besoin du verset 16. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, nos yeux regardent la croix, nos yeux regardent à l'enlèvement, au retour du Seigneur. Je cours vers les buts pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Cette même pensée de courir vers le but de notre vocation, de courir vers l'enlèvement, de courir vers la croix avec nos yeux fixés sur la croix. Il n'y a que le salut, il n'y a que la croix, il n'y a que Christ, il n'y a que l'enlèvement qui doit préoccuper nos pensées. Nous tous donc qui sommes des hommes parfaits, c'est-à-dire qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, ayons cette pensée, cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un avis, d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Vous voyez comment Paul, avec la vision de l'Église entre ses mains, voilà comment il parle. Voilà comment il exhorte ceux qui attendent le retour du Seigneur. Voilà comment il ne voulait pas que son Église s'attache à des futilités. Non, bien aimé frère, dans Galates chapitre 5, dans son verset 26, il continue à exhorter l'Église: ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Les uns aux autres. Vous voyez, frère, l'amour marche ensemble avec un esprit de douceur. L'amour ne marche pas seulement avec la douceur, l'amour marche aussi avec l'humilité, qui est un vêtement de service. Frère Bonham et frère Franck, dans question-réponse, crédit du 10 décembre 1980 à Kinshasa en République du Zaïre, Kinshasa République du Zaïre, à la page 11 et à la page 12. Dans d'autres traditions, c'est à la page 7 et à la page 6. Donc, page 11, page 12. Ici, il y a même des paragraphes, paragraphe 32 jusqu'au paragraphe 35. Travailler. Je voudrais seulement vous demander une chose. Travaillez ensemble. Et faites ce que vous pouvez dans le royaume de Dieu. L'Église est avec moi. Ne causez jamais de division. Si un frère a un tout petit différent, peut-être qu'il voit quelque chose d'une manière différente, ne faites pas de cela un problème. Est-ce que l'Église peut dire amen? Peut-être qu'il voit quelque chose d'une manière différente, ne faites pas de cela un problème. Il n'y a pas de frère qui soit identique en chaque chose. Ça, c'est vrai. Akuna bantu wili banafanana. Il n'y a jamais deux personnes kubiri, même dans la prédication, atamu kutenda, même dans les œuvres, atamu mikario, même dans Même si nous sommes habités par l'Esprit de Christ. Ainsi, nous sommes différents, mais pas en Jésus. Mouili, dans ce corps ici, il y aura toujours des différences. Même dans notre manière de travailler, il y aura toujours une différence. C'est pourquoi même dans les couples, on fait trop de problèmes, parce que quand le couple n'est pas régi par l'amour, n'est pas conduit par l'amour et n'est pas fondé par l'amour, ce sont des querelles continuelles. On ne se comprend pas. Vous voyez, peut-être il y a des petites différences. Mais aussi longtemps que cela concerne la parole, la Bible, et que cela concerne les enseignements de la Bible, nous voyons la même chose. Si vous voyez quelqu'un faire ceci ou cela, ne le jugez pas. Ainsi, peut-être, il y a des différences en des petites choses. Mais nous croyons tous la même parole. Et si vous ne comprenez pas ce qu'un frère est en train de faire, ne parlez pas de cela. Priez au sujet de cela. L'Église peut dire amen. D'habitude, un problème est seulement un très petit problème. Mais plus on en parle, plus le problème devient de plus en plus grand. Et un problème est d'autant grand que nous le rendons. Nous causons des problèmes. Il n'y a pas de problème à moins que nous les causions. Ainsi, ne commencez aucun problème. Servez seulement le Seigneur. Si un frère ne voit pas ce que vous voyez et ne croit pas exactement ce que vous croyez, aimez les frères et Dieu sera le juge au sujet de toutes ces choses et au-dessus de tout. Vous voyez, vous pouvez simplement gagner quelqu'un d'autre si vous aimez cette personne et vous aimez cette personne parce que Dieu l'a aimé. Vous ne l'aimez pas à cause de sa doctrine. Vous l'aimez parce que Dieu l'a aimé. Et la Bible dit, si nous nous aimons les uns les autres, même le monde comprendra que nous croyons de la manière juste. Ce n'est pas la doctrine qui nous unit ensemble, mais c'est l'amour qui le fait. La doctrine, c'est comme la colonne vertébrale. Et je crois dans la véritable doctrine. Mais l'amour de Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Ainsi, si nous aimons les uns les autres, nous verrons Dieu, parce que Dieu est amour. Et si nous aimons Dieu, nous nous aimons. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, frère Franck continue. Il dit ceci dans son sommaire, mais nous sommes le sommaire des rencontres mai 2004. Page 3. Bien-aimés frères, spécialement vous qui avez un ministère, s'il vous plaît, je vous en prie, comprenez, vous ne pouvez pas prendre une écriture toute seule et en faire quelque chose. Vous ne pouvez pas prendre une seule et simple citation pour en faire une doctrine. Vous devez aller d'écriture en écriture, de citation en citation. S'il vous plaît, ne prenez plus jamais une citation en dehors de son contexte. Ne faites pas d'étranges doctrines avec cela. Toute doctrine venue après que le frère Branham ait été repris pour être avec le Seigneur est plus que certainement l'interprétation d'un homme. Il n'y a eu personne sur la terre pour traiter avec les Saintes Écritures, c'est-à-dire pour interpréter les Saintes Écritures, après que Frère Branham eut quitté cette scène. Ça, c'est une déclaration très forte. Vous suivez? Est-ce que vous suivez cela? Donc, Frère Franck ici dit, après le départ de Frère Branham dans la gloire, il n'y a aucune personne sur la terre, pour traiter les Saintes Écritures. Nous devons être satisfaits avec tout ce que Dieu a révélé. Et en même temps, nous devons placer toutes choses, chaque déclaration faite par Frère Branham dans le cadre de l'Écriture sainte. Si vous ne le faites pas, vous partirez avec cette déclaration prise hors de son contexte, et vous en ferez une nouvelle doctrine. Je le répète, toute doctrine venue après que Frère Branham ait été repris pour être avec le Seigneur, et la même chose, c'est la même chose, et la même chose que tout enseignement venu tout au long des âges de l'Église et de l'histoire de l'Église, et avait commencé au 3e et au 4e siècle. Tous les dogmes et tous ces enseignements ont été ajoutés, et c'est la même chose avec chaque interprétation faite à l'intérieur du message. Que le Seigneur vous bénisse. Très clair comme de l'eau. Continuons avec les questions. Na maulizo. Question 92. Ulizo ya makumi tisa na mbili. Quelle est la différence wachanisho iko wapi qui existe entre la guerre d'Armageddon katikati ya vita ya Armageddon et la guerre de Gog Magog? Na ile vita ya Gog na Magog. Quelle est la différence ni wachanisho kani qui existe entre la guerre d'Armageddon ile iko ako katikati ya vita ya Armageddon et la guerre de Gog Magog? Na vita ya Gog na Magog. Je réponds à cette préoccupation. La guerre d'Armageddon vient avant le millénium. Dans laquelle Satan et tous les démons seront arrêtés et liés pendant 1000 ans. Satan et tous les démons ne seront pas dans le millénium et jamais Satan et les démons ne piétineront la nouvelle Jérusalem. La guerre d'Armageddon précède le règne du millénium. Et pendant cette guerre, Satan et tous les démons seront arrêtés, liés et jetés en prison pendant 1000 ans. Tandis que la guerre de Gog Magog est à la fin du millénium. Après que Satan, ou quand Satan et les démons seront déliés avant le trône, le jugement du trône blanc. La guerre de Gog Magog, c'est une guerre qui va intervenir après le millénium, entre la fin du règne du millénium et le trône blanc. À la fin du millénium, Satan et les démons qui étaient liés et jetés dans la prison seront déliés avant le jugement du trône blanc. Et avant le jugement, c'est à ce moment-là qu'il y aura cette guerre. Apocalypse chapitre 16. Dans son verset 16, il rassemblait dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Apocalypse 19, verset 19, dans son verset 17 à 19, et j'ai vu un ange qui s'éteignait dans le soleil. Il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin du Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête, les rois de la terre et les armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Dans cette guerre, je ne vais pas donner beaucoup d'explications parce que j'ai dit, on va déjà parler de la parole prophétique. dans cette guerre, ça sera une guerre nucléaire. Ça sera une guerre dans laquelle on utilisera des armes biologiques. Ça sera terrible. Ça sera horrible. Les gens chercheront la mort, mais ça sera compliqué. La Bible dit la mort fuira même loin d'eux. Ça sera terrible. Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montaient à la surface de la terre et ils investissent les camps des saints. Ils vont investir Bakajunguluka et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et le dévora, et le diable qui le séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà la différence entre les deux guerres. La première guerre, vient avant le millénium. Satan est lié pour que les saints vivent en paix dans le millénium. Et tous ceux qui vivront en paix, parce que c'est le prince de la paix, le fils de David, notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra régner. Et dans son royaume, il n'y aura pas de troubles. Il n'y aura pas de guerre. Non. C'est un royaume de paix. Question 93. Quelle est la différence entre la femme d'Apocalypse 12 et la femme d'Apocalypse 17. Quelle est la différence entre cette femme d'Apocalypse 12? Un grand signe, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. C'est Apocalypse 12. J'ai lu Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Apocalypse 17. Apocalypse 17. Dans son verset, commençons au verset 1, jusque dans le verset, pour aller un peu plus vite, aller jusqu'au verset 6. Puis l'un de sept anges qui tenait les sept coupes vins, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que tous les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était revêtue de pourpre et d'écarlate, et paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom: mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Vous voyez que cette femme d'Apocalypse 17, c'est un mystère. C'est ce qui complique les gens aujourd'hui. Maintenant, pour répondre à la préoccupation du frère ou de la sœur, la femme d'Apocalypse 12, c'est l'église du Nouveau Testament. C'est l'église de notre Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. Le soleil sur sa tête, c'est Christ le Rédempteur. Ça représente la grâce qui nous a sauvés. La lune sous ses pieds, c'est la révélation de la parole divine de tout l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament a pour fondement l'Ancien Testament. Vous voyez bien, mes frères, vous voyez bien, mes sœurs, l'Église du Nouveau Testament est fondée sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Vous voyez, elle est posée sur les deux piliers, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La lumière que reflète la lune vient du soleil. Voyez bien, mes frères, la lune ne reflète pas sa lumière, sa propre lumière. La lune reflète la lumière du soleil. C'est Jésus-Christ qui est le soleil de la justice. C'est cette lumière-là que l'Ancien Testament, l'ombre a reflété. C'est pourquoi nous croyons à toute la Bible. C'est la Bible qui est notre absolu. Pas un homme, pas un prophète. Non. C'est la Bible. Voyez bien, ce n'est pas le message. Non. Le message biblique signifie, le message englobe et la révélation de l'Ancien Testament et la révélation du Nouveau Testament. Le droit a été donné à l'époux de Jésus-Christ pour sa préparation à l'enlèvement. On néglige rien. C'est pourquoi l'Église du Nouveau Testament, voyez, et là, sur ses pieds, la ligne. Elle est couronnée de 12 étoiles. Les 12 étoiles, c'est l'enseignement des 12 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la doctrine du Nouveau Testament. Enseigné par les 12 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes que Dieu lui-même a enseignés, et ensuite il les a envoyés dans le monde entier pour montrer, pour prêcher, pour enseigner aux païens la vérité. La vérité de Dieu. Et Paul fut l'apôtre des païens. Et Pierre, l'apôtre des Juifs. Mais les deux, comme ils sont l'époux de Christ, ils tiennent à Jésus-Christ. C'est vrai. Tandis que la femme d'Apocalypse 17 représente l'Église catholique romaine, la grande prostituée, l'Église de Satan, laquelle interprète les Écritures comme elle veut. Elle n'est pas fondée sur la Bible. Elle est entièrement fondée sur les dogmes, des doctrines qui n'existent pas dans les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui aiment lire, les réponses sont tellement claires. Écrivez Apocalypse, le livre Franck, de Frère Franck, page 30, page 73. Apocalypse, le livre de Frère Franck, page 73. Question-réponse. Du 30 août 1964 soir, au paragraphe 25. Ça, c'est Apocalypse 12, où on parle de la femme qui est l'Église du Nouveau Testament. Dans Apocalypse, toujours de Frère Franck, à la page 120, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 31 à 35, paragraphe 47 à 71. Vous le lirez chez vous à la maison. Si vous n'en avez pas, allez à la bibliothèque chercher cela pour le lire. 94, question 94. Pourriez-vous m'expliquer cette petite corne de Daniel 7. Prenons Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. Daniel sura saba. Dans son verset 8, nous lisons: j'ai considéré les cornes, mampembe, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachés devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Le frère ou la sœur veut connaître ou il veut qu'on l'explique, cette petite corne. La petite corne de Daniel 7-8 et l'Antichrist, le pape, qui va se révéler après l'enlèvement de l'épouse pour faire la guerre aux saints. La petite corne là, quand nous prendrons les 70 semaines de Daniel, nous en parlerons d'une manière historique et nous en parlerons avec les rois qui se sont succédés. Nous citerons même des rois avec leurs noms, conformément à la Bible et à l'histoire. Et nous irons en détail en détail. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de le faire. Mais retenez seulement que cette petite corne, c'est l'Antichrist, c'est le pape qui va se révéler après le départ de l'épouse pour faire la guerre aux saints. Non enceinte au Vatican. Le pape Léon XIV, le pape actuel, vient de recevoir un cheval blanc. Or, dans Apocalypse 6, avant la fin du monde, l'Antéchrist doit recevoir un cheval blanc pour faire la guerre aux saints. Est-ce que c'est l'accomplissement de la prophétie? Non, frère. Non, ma soeur. Tu as une grande confusion. Je comprends, c'est un frère qui lit la parole prophétique, mais qui ne comprend pas la parole prophétique. Nous allons expliquer tout cela avec la parole prophétique. Ce n'est pas un problème. La question, vous l'avez, j'ai compris, le frère ou la sœur a posé cette question par rapport au dire qu'il entend. Dire des gens, des prédicateurs, des dénominations, tout ça. Maintenant, pour répondre à cette question, les chevaux blancs d'Apocalypse 6, 2, lisons cela. Prenons Apocalypse. Apocalypse 6, 2. Apocalypse 6, 2. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 6, verset 2 est déjà accompli. Apocalypse 6, 2 est déjà derrière nous. Mais ce cheval blanc d'Apocalypse 6, 2 et l'Antichrist dans le premier âge de l'Église. C'est l'Antichrist dans le premier âge de l'Église, dans l'âge d'Éphèse, qui s'est élevé pour combattre les chrétiens. Vous voyez? Non. Il a combattu les chrétiens pour essayer de faire disparaître l'enseignement de Christ. Mais il a échoué. Il a tué beaucoup de saints. Il a persécuté beaucoup de saints. Il a brûlé beaucoup de saints. Il a jeté dans la fosse au lion beaucoup de saints. On a mis sur le bûcher beaucoup de saints. On a pendu beaucoup de saints. Mais la mort ne fait pas peur à un véritable chrétien qui est dans la main de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, loin de l'onction de Christ. La mort ne lui fait pas peur. La mort lui donne le courage d'affronter l'ennemi. Ils sont entrés les uns dans le feu sans peur. Les femmes étaient éventrées. On a enlevé leurs enfants. On jetait cela au cochon. Cela ne les a pas fait reculer. Ni la mort, ni la persécution, ni l'épée, ni le feu ne peut faire reculer à un élu, ne peut pas lui faire renier sa foi. Quand quelqu'un reçoit la révélation de Jésus, il est scellé. Son âme est scellée jusqu'à la mort. C'est vrai, frère. Et c'est pourquoi, voyez, les saints ont vaincu. On pouvait fouetter l'épaule et les pieds. On pouvait les jeter en prison. Quand ils y sortaient, ils donnaient gloire au Seigneur. Et ils disaient, nous aussi, nous avons participé à la souffrance de Christ. Quand Paul et Silas en prison pour cause de la parole, ils n'ont pas regretté. Mais en prison, ils ont glorifié Jésus. Et la puissance du Saint-Esprit est descendue en prison. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Parce qu'il y avait une âme à côté. Les portes se sont ouvertes. Parce qu'il y avait une âme à sauver. Quand les gardiens visent cela, il a eu peur. Que puis-je faire pour être sauvé? Il dit, tu n'as pas de problème. Ce n'est pas toi qui nous as liés. C'est l'Antichrist. C'est Satan. Dans tes chefs qui nous ont liés. Toi, tu es fils d'Abraham. Crois au Seigneur. Tu seras sauvé. Toi et ta maison. Et il fut sauvé. Que Dieu vous bénisse. Tandis que le cheval blanc d'Apocalypse 19, dans son verset 11, lisons cela, le cheval blanc d'Apocalypse 19, verset 11, puis j'ai vu le ciel s'ouvrir et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Le cheval blanc d'Apocalypse 19, 11. C'est Jésus-Christ qui vient ici avec le jugement et il vient avec colère. Voyez bien, mes frères, ici il n'est pas un agneau. L'église est avec moi. Ici, Jésus n'est pas un agneau. Ici, maintenant, c'est un agneau en colère avec les yeux rouges. Pourquoi? Le temps de la grâce est déjà passé. Pendant ce temps-là, il n'y aura plus de grâce, plus d'amour de Dieu. Frère, sœur, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de grâce, il y a un temps d'amour de Dieu. C'est le temps maintenant de la grâce, c'est le temps de l'amour de Dieu. Profitez-en. Au jour de la grâce, c'est ça le temps favorable où la prière de chacun de nous est exaucée. C'est vrai, frère. Où le sang de Jésus est en train de nous nettoyer, c'est maintenant. Mais quand il vient, dans Apocalypse 19:11, en ce temps-là, il n'y a plus de grâce. C'est pourquoi nous vous disons, la grâce n'est pas éternelle, la grâce n'est pas infinie. Ouais, bien aimé frère, quand le dernier entre et que la porte se ferme, la grâce est complètement finie. Et quand la grâce termine, ce qui vient après, c'est la colère, c'est le jugement de Dieu. Aujourd'hui, vous bénéficiez de l'amour de Dieu. Mais à ce temps-là, plus de grâce, plus d'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ont rejeté la grâce et l'amour de Dieu. Pendant que la grâce et l'amour de Dieu étaient offerts à l'humanité, les hommes et les femmes l'ont rejeté. Ils l'ont méprisé. Maintenant, la grâce et l'amour de Dieu n'existent plus pour les pécheurs. C'est vrai. Profitez-en. Le Saint-Esprit, c'est maintenant. La nouvelle naissance, c'est toujours maintenant. Pendant que nous prêchons, il y aura un temps où on ne va plus prêcher. Cette église sera fermée. Ça sera un dépôt de maïs, d'haricots, tout ça. Vous voyez, peut-être moi, ils mettent les cochons. Mais comme il y a des carreaux, peut-être ça sera un dépôt. Oui, oui, ça sera peut-être un dépôt où on mettra les cartons de cuisses poulet. Vous voyez, on ne sait pas. Profitez-en. Si vous jouez aujourd'hui avec la grâce, vous continuez à vivre dans le péché, vous pensez que les choses iront comme ça, ah, tu cours un danger. C'est vrai, frère. Là, quand il vient, il n'y a plus de jugement. Donc, il n'y a plus de grâce. C'est le temps de la colère. C'est le temps du jugement. C'est pourquoi, en répondant à la question du frère ou de la sœur, je ne connais pas, selon les Écritures, où c'est promis qu'à la fin du monde, Satan, l'Antichrist, recevra un cheval blanc pour combattre les saints. Non, cette écriture-là, ou cette promesse-là n'existe pas. Il y aura certainement un antichrist qui va combattre les saints, il va combattre Israël, il va combattre les vierges folles, mais il ne sera pas habillé, il ne sera pas sur le cheval blanc. Mais le cheval blanc d'Apocalypse 10, c'est déjà accompli. Non, en 6. Que symbolisent les dents de fer du quatrième animal d'Apocalypse et de Daniel 7? Que symbolisent les dents de fer du quatrième animal de Daniel 7? Daniel 7:7. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible épouvante, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait. Voyez, il brisait. Et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Ce quatrième animal, c'est l'Empire romain. Dans Daniel 7:7, les grandes dents de fer montrent la force de ce royaume, de briser et de vaincre les adversaires sans résistance devant lui. L'Empire romain, terrible, l'animal terrible, cet animal a en lui toutes les forces de ces trois animaux qui l'ont précédé. Donc l'Empire romain a en elle, donc a en lui, la force qui était dans le premier empire, dans le deuxième empire, dans le troisième empire, il réunit toutes ces forces-là. C'est quoi on l'appelle terrible. Nous en parlerons quand le temps viendra. Question 97. Quel est l'objectif de la guerre d'aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine selon la prophétie? La guerre que nous voyons aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre-là se trouve dans Matthieu au chapitre 24. Verset 6-8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une autre et un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Mais tout cela ne sera que le commencement de douleur. Bien-aimés frères et sœurs, avec toute l'affection que nous avons envers vous, sachez que devant nous, il n'y a plus de jour meilleur. Devant nous, les choses iront en s'empirant. Bintu biote bine charabika. Bintu biote bine chaoza. Apana kutumainia. Muntu ata moya. Politisi ata moya. Ya kusema toa kutengeneza bintu apana. Nous sommes au temps de la fin. Le temps où la méchanceté s'exerce à outrance. Vous voyez? Mais pour répondre à la préoccupation du frère ou de la sœur, cette guerre que vous voyez entre la Russie et l'Ukraine. La Russie, la Bible l'appelle le roi du Nord. Jira ya mu Bible ya Russie, c'est le roi du Nord. Maintenant, cette guerre que le roi du Nord a engagée avec l'Ukraine, Cette guerre, la Russie les fait. C'est pour se positionner. Tout en se préparant pour les guerres futures qui viendront entre l'Europe, les États-Unis et lui-même elle-même la Russie. C'est une guerre de positionnement. C'est pourquoi vous voyez dans cette guerre, la raison fondamentale de cette guerre, la Russie veut gagner des terrains. Pourquoi elle veut gagner des terrains? C'est pour avoir suffisamment d'espace, des manœuvres militaires, pendant qu'il y aura la guerre avec l'Europe ou avec les États-Unis. Achilombe Biaboule et le territoire. Dans les conventions antérieures, l'Ukraine devait être un territoire neutre entre l'Europe et la Russie. Maintenant, les Européens, dans les ruses, ils ont récupéré la Russie pour être côte à côte avec la Ils ont récupéré l'Ukraine pour être côte à côte avec la Russie. Et la Russie voit un danger. C'est pourquoi il utilise maintenant sa force. C'est pour repousser. Voyez les Européens, afin qu'il ait suffisamment de place. Même quand il y a la guerre, il sait comment faire des manœuvres avec son armée. Et je vous dis, on ne la vaincra pas. La Russie est une arme dans la main de Dieu pour se venger. La Russie est une arme dans la main de Dieu pour bombarder les États-Unis, l'Europe. C'est pourquoi quand il parle, il dit, ce sont des petits, ils jouent avec le feu. Aïna, c'est vrai qu'on a blagué. En réalité, c'est ce qu'il est. Toi français, ni ma quelle le poulet, ma zanza. De ta poche seulement. Quand tu as réussi à. Russie na na na na na na France. À ta fois na France. La France ne fera rien. Comment mon nom na? Si vous voyez, l'Ukraine est résistée. Ce n'est pas que la Russie est impuissante. Frère, la Russie est capable d'anéantir l'Ukraine dans un seul jour. La Russie se retient. Parce que ce n'est pas, son temps n'est pas encore là. Le Saint-Esprit retient encore ces guerres à cause de toi et à cause de moi. Car le Saint-Esprit aura terminé avec nous. Le Saint-Esprit sera ôté de la terre. Frère, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine militaire, dans tous les domaines, ça sera catastrophique. Vous voyez bien, mes frères. Regardez dans ce qu'il fait. Il réclame seulement l'espace. Et Donald Trump a bien compris ça. C'est pourquoi dans ces négociations, il dit les terres que la Russie a déjà conquis. La moitié, yo. Moi, l'Européen, moi, la femme à Kelele. Vous ne savez pas ce qu'il est. La Russie, l'Ukraine ne peut pas vaincre la Russie. Vous faites tuer les gens inutilement. Trump a compris ça. Trump a chakolewa. Voyez. Unaona. Alors il fait cette guerre, c'est pour se positionner en préparant les guerres futures. Parce que dans l'armement, la Russie est très évoluée. Plus que même les États-Unis. Les États-Unis n'y maquillent les boulets. Comme un Congo aux États-Unis, Léo, ni Dieu qu'on a protégé Israël. C'est à cause d'Israël que les États-Unis se maintiennent. Quand Dieu aura fini avec les États-Unis, capata est en gros aux États-Unis. 98. Que signifie le temps de temps? 98e question. Que signifie le temps des temps et la moitié des temps? La période pendant laquelle la petite corne de Daniel 7 va opprimer les saints. Que Dieu vous bénisse. Merci frère, merci sœur. Donc, quand nous prenons Daniel chapitre 7, verset 25. C'est la dernière question pour aujourd'hui. 7:25. Il dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut et il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et les lois et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps du temps et la moitié du temps. Vous voyez, les saints dont on parle qui seront livrés entre ses mains, c'est Israël. Les un temps de temps et la moitié de temps, c'est pendant 3 ans et demi, signifie 3 ans et demi. Un temps de temps et la moitié de temps signifie pendant 3 ans et demi. Cette période-là commence au milieu de la semaine, de la dernière semaine de la 70e semaine de Daniel. La dernière semaine de 7 ans. Vous voyez, qui est divisé maintenant en deux, c'est au milieu de la semaine. Donc, 3 ans et demi, il brise l'alliance. Maintenant, il commence à persécuter les saints. Et Israël sera livré pendant 3 ans et demi à la merci de l'Antichrist, de la bête, de cette petite corne. Donc, un temps de temps et la moitié de temps, c'est 3 ans et demi. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Lève-nous pour la prière. Merci notre Dieu. Merci pour la révélation de la parole que tu nous as accordée. Comme tes bien-aimés, nous sommes tes bien-aimés. Comme tu ne pouvais rien cacher à Abraham, nous aussi tu ne nous caches rien. Tu nous as donné la révélation de toutes choses avant la destruction de ce monde. Maintenant je te prie ce soir, oh Dieu Tout-Puissant, saisis le cœur de chaque frère, saisis le cœur de chaque sœur, mais à chacun de nous l'urgence de se préparer. Que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit soit baptisé du Saint-Esprit. Que celui qui vivait dans la négligence et qui dormait dans le péché, qu'il se réveille, parce que ton retour est imminent. Bénis cette église de Kambo. Bénis tous les frères, toutes les sœurs qui sont connectés en ligne et qui sont attachés à cette église. Que ton esprit nous conduise. et par le sang de Jésus-Christ, tu nous bénisses de toutes les bénitions rédemptrices que tu nous as acquises au bois du calvaire. Merci Père, bénis chaque corée qui a entendu. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.